La radio sud-coréenne MBC annonce que le parquet sud-coréen a accusé le 17 la traîtresse Bakune de 18 crimes, y compris le pot de vin et l'abus d'autorité. Sur la base de l'enquête menée depuis le mois d'octobre dernier sur le scandale sans précédent, le parquet a remis à la cour les données sur les actes criminels de Bakune, selon lesquelles l'inculpé a reçu de la part du groupe Samsung 43,3 milliards de won, et en plus, elle a gagné plus de 10 milliards de won via des fondations créées de façon illégale à l'aide de son entourage et des plutocrates. Ainsi, Bakune, traduite au tribunal, doit attendre le jugement final dans la prison de Séoul. D'autre part, le journal sud-coréen Une Nation en date du 18 présente un éditorial titré « Une fois Bakune accusé, c'est parti, la condamnation et le règlement de compte ».